les jours on se lève, la même routine et la même vie. Ce dunya nous emporte, le travail, l'argent, nos plaisirs. Enchaîne des heures et des heures, et des jours, le temps passe, encore une journée qui s'écoule. Je m'interroge pas sur mon but, je vis au jour le jour. Le diable m'a tenté, je suis son compagnon de séjour. Égaré sans doute, ignorant, je le suis. C'est vrai que ce monde-là, il m'a beaucoup séduit.